Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 54. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 26 novembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Mission Impossible, tu es Barbouze en goguette, tu es Mata Hari, tu es KGB ou CIA, tu es Écoute Téléphonique et tu es aussi... Monsieur Bond. Oui. Je vous présente Monsieur Goldfinger. Enchanté. Très heureux. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es agent de renseignement, tu es espion en opération secrète. Alors, entre une affaire d'espions russes empoisonnés et le grand retour de James Bond au cinéma, ces derniers jours ont été riches en histoires d'agents secrets. D'un côté, le réel, avec les bons baisers de Russie envoyés par Vladimir Poutine à Alexandre Litvinenko, décédé jeudi soir. De l'autre, la fiction, avec le célèbre agent 007 qui doit neutraliser un banquier au service de terroristes internationaux. Du coup, à l'heure où la réalité sordide fait écho aux salles obscures, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin, pendant 53 minutes, de prendre en filature cet univers fascinant qu'est celui des agents secrets. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des espions. Pour commencer, du chevalier Déon au plombier du canard enchaîné, il faut retracer l'histoire des grandes figures de l'espionnage. Ensuite, nous essaierons de savoir à quoi peut bien ressembler la vie d'un espion. On enchaînera justement sur une petite surprise d'Alex Métayer qui nous interprétera l'intimité sexuelle de l'agent secret. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons que depuis cette mystérieuse affaire Clearstream, des espions de tout poil agissent au plus haut sommet de l'État. Et enfin, te raconter comment vendredi dernier, Monique a décidé d'espionner Jean-Claude, suspecté de mener une double vie. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et brouille l'écoute. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death. And in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, all right. Last night, DJ saved my life. La nuit dernière, un DJ m'a sauvé la vie. C'est ce qu'affirme en 1983 le groupe In Deep. À l'inverse, l'ex-espion russe Alexandre Litvinenko, mort jeudi soir à Londres, affirme dans une lettre posthume que c'est Vladimir Poutine, ancien membre du KGB, qui lui a volé la vie. Comme chacun sait, tuer n'est pas jouer. Alors, cette semaine, à l'heure où vient de sortir le dernier James Bond, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission aux hommes de l'ombre et du renseignement, à savoir les espions. Un espion, par définition, c'est quelqu'un de discret. Et le meilleur espion, c'est celui dont on ne sait rien, celui qui a su garder le secret. Ainsi, quand le chevalier Déon, espion travesti au service de Louis XV, attire toutes les curiosités sur sa véritable nature sexuelle, eh bien, c'est la fin de sa carrière. Le chevalier Déon, qui sans contestation était un garçon, a vécu les 30 dernières années de sa vie habillé en femme, retiré de toute activité de renseignement. Mais à l'inverse, d'autres femmes ont utilisé leur célébrité pour faire carrière dans l'espionnage. C'est le cas de la danseuse Mata Hari, en contact charnel avec les diplomates et les militaires de toute l'Europe. Mata Hari fut contactée par les services secrets allemands et français. Alors, quand pendant la Première Guerre mondiale, les Français apprennent que la danseuse fricote avec le Bosch, c'est la grosse crise de jalousie. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, avant. Mata Hari n'a, semble-t-il, jamais été une espionne de haut vol, mais plutôt une courtisane dépassée par les événements. Elle fut tout de même fusillée dans les fossés du château de Vincennes en 1917. Car l'armée ne plaisante pas avec les espions, même s'ils sont innocents. Ainsi, il apparaît très vite que le capitaine Dreyfus n'est pas l'espion qui informe l'Allemagne. Mais peu importe, alors que le dossier d'accusation est vide, les militaires se chargent de le remplir avec de faux papiers. Les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Ainsi, c'est sur de fausses accusations et avec un dossier secret vide de preuves que le capitaine Dreyfus fut condamné pour espionnage. Car les vrais espions, eux, ont une toute autre envergure que le falot capitaine Dreyfus. Les professionnels du renseignement, par exemple, se connaissent tous et forment un petit monde assez fermé au bout du compte. Bienvenue parmi nous, OSS 117. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Depuis 10 ans exactement. Depuis ce jour où vous avez assassiné mon ami, le colonel von Umsprank. Von Umsprank. Le colonel Hermann von Umsprank. Un Waffen-SS. Je ne vois pas. Mais si. Un grand brun. Je vais vous avouer une chose, Möller. J'ai tué tellement de nazis que je n'ai vraiment pas eu le temps de compter. En revanche, j'y ai pris toujours beaucoup de plaisir. Hermann. Il n'y a pas un jour où je ne pense à lui depuis que vous l'avez balancé au-dessus de Berlin. Ah, c'est lui. Il avait les plans du V2. Voilà. Ah, ouais, d'accord, ouais, très bien, je vois très bien, absolument. Oui, on lui a pris les plans et on les a donnés aux Américains. Voilà. C'est ça, absolument. Un grand brin. Voilà. Sympathique. Exactement. Hermann von Umsprung, mon ami. Oui, Hermann, absolument. Belle mission, d'ailleurs. Ouais. Il y a eu, en effet, pour les espions, de belles missions pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'âge d'or des services secrets, c'est bien sûr la guerre froide. Ainsi, la rivalité entre les États-Unis et l'URSS nous a offert de beaux moments d'espionnage, comme en août 1960. le département d'État à Washington a enfin publié un communiqué. Là, les termes de ce communiqué, je ne dirais pas qu'ils sont embarrassés, je ne dirais pas en argot qu'ils sont en berlificoté, je dirais qu'ils sont saisissants. Ils sont saisissants parce que les Américains reconnaissent effectivement qu'un avion U-2 a pu aller au-dessus de l'Union soviétique et a pu y aller probablement, dit le communiqué, en mission de renseignement. Évidemment, c'est une reconnaissance. Et quand on sait que les services secrets se font une guerre secrète et que cela est connu, mais cela ne sert à rien de le reconnaître, il faut ne pas se laisser prendre. Et mon Dieu, le communiqué l'indique alors bien plus nettement qu'entre les lignes, on s'est laissé prendre la main dans le sac. Se laisser prendre la main dans le sac, c'est sans doute ce qu'il y a de pire pour un espion. Et pour cela, les barbouzes français sont assez fortiches. Ce fut le cas en Nouvelle-Zélande avec le Rainbow Warrior, ou en Corse, chez Francis. Ce fut aussi le cas à Paris, en décembre 1973. Au Canard Enchaîné, on se pose des questions. Le dessinateur Escaro, l'un des administrateurs du journal, a fait une surprenante découverte cette nuit. Alors qu'il passait devant les futurs locaux de l'hebdomadaire satirique, il a aperçu par hasard de la lumière. Quelque peu surpris, Escaro a raconté la suite de son aventure nocturne à François Charpentier. Je suis monté, et là je suis tombé sur toute une équipe qui était en train d'installer des fils, qui avaient soulevé des lattes de parquet, qui perçaient des trous dans les plafonds et dans les murs. J'ai demandé quel était le nom de l'entreprise. Qui serait tel plombier ? Tout d'abord, il m'a dit qu'il venait pour le chauffage. Alors, je suis redescendu, j'ai appelé le directeur. On a ouvert les nattes de plancher, on a trouvé les trous. C'était vraiment des micros. Ah oui. Je suis le plombier, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, bam, bam, bam, bam, dans les salles de bain. Des agents de la DST déguisés en plombiers ont donc caché des micros dans les locaux du Canard Enchaîné en 1973, c'est-à-dire au moment même où aux États-Unis, le scandale du Watergate allait entraîner la démission du président Nixon. Et en France alors, face au même type de scandale qui éclabousse l'État, que fait l'Élysée, mon ami ? En 4 ans, de 1982 à 1986, plusieurs centaines de personnes sont placées sur écoute, dont des journalistes et des avocats. Chaque soir, les transcriptions des écoutes sont déposées sur le bureau présidentiel. François Mitterrand ne peut ignorer que la cellule de l'Élysée se livre à des pratiques antidémocratiques, attentatoires à ses libertés individuelles, qu'il a si souvent défendues. L'Élysée n'écoute rien. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs des écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas. On s'enfonce encore un peu plus. Mais je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer M. Proutot n'avait pas été pour vous. Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Eh oui, c'est comme ça, un espion bien entraîné, ça ne parle jamais. Et surtout pas à des journalistes de la télévision belge RTBF qui, comme dans un film d'espion de la métro, ont eu le privilège d'entendre le vieux lion rugir. Comme dans un film de la métro, on voit très bien tous les détails. Les bonnes sœurs font leur numéro dans un voilier sans gouvernail. Des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau sous l'œil des serveurs chicanos qui se marrent avec les cuistots. Des stars adorées du public traînent leur spleen intéressant vers des paradis super chics où l'on dégueule entre gagnants. Comme dans un film de la métro, les marins se perdent et se donnent pour des pin-ups assez salauds avec des yeux couleur butane. Quelques tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le poager des petites chines. Olé, olé! Comme dans un film de la métro, le soleil s'est couché dans l'eau après un dernier coup de chapeau au bateau plein de Roméo. Les rockers calcinés grimaces tombant en cendres dans le soir. Les jeunes filles les ramassent en souvenir dans leurs mouchoirs. Alors la nuit tombe en beauté sur les robes de taffeta des mégères apprivoisées qui vont danser le tcha-tcha-tcha. Qui vont danser le tcha-tcha-tcha. Qui vont danser le tcha-tcha-tcha. La métro, c'est ce que chante Brigitte Fontaine en hommage au grand studio de cinéma hollywoodien, la Metro Goldwyn Mayer, qui vient d'ailleurs de produire Casino Royale, le dernier James Bond sorti en France mercredi dernier. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, poursuivons notre impossible mission et après avoir survolé quelques grandes figures de l'espionnage, arrêtons-nous désormais quelques minutes sur ce que peut être la vie d'un agent secret. Oui, mon ami, à quoi peut bien ressembler la vie d'un espion ? Avant toute chose, il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs types d'espions. Tout d'abord, ta concierge, bien sûr, certes moins glamour en général qu'une James Bond girl, mais tout aussi efficace quand il s'agit de fournir des renseignements. Sa vie consiste à tirer un rideau et à faire savoir à tout l'immeuble que tu n'es pas rentré seul hier soir. C'est toujours sympa, ça. Et puis, il existe aussi les redoutables paparazzi, dont la vie trépidante consiste à se planquer durant des heures pour ensuite révéler au monde entier des informations cruciales, à savoir que Britney Spears, par exemple, porte un string fuchsia quand elle bronze à Bodega Beach. Mais revenons plutôt aux véritables agents secrets. Pour devenir espion, il faut en premier lieu remplir une condition sine qua non. Il faut être militaire ou flic et avoir fait ses preuves dans ses capacités à faire don de soi pour servir les intérêts de la nation. C'est alors que tes supérieurs hiérarchiques peuvent te proposer d'intégrer les services secrets. Tout commence par une série de tests. C'est ce que c'est la qualité principale d'un agent secret ? Je sais pas, moi, les belles bagnoles, les belles gonzesses, et puis le vermouth avec l'olive. Mais le plus dur, c'est de boire en conduisant. Pas du tout. Au contraire, c'est l'art de se dissimuler. Et pour bien dissimuler, il faut savoir mentir. Mentir ? Mais c'est un don dans la famille. Un soir d'hiver, j'avais volé dans le portefeuille de tonton Bouzalouze. Eh bien, quand il a voulu savoir si c'était moi, j'ai rien dit, j'ai menti. Même quand il a fouetté jusqu'au centre à Tabofida avec du câble électrique. Sympa les hivers dans ta famille. Bon, c'était du câble de 12, du galvanisé, elle a rien senti. Alors, la priorité de l'agent recruteur, c'est de savoir si tu es psychologiquement stable pour devenir un excellent espion. Là, visiblement, ce n'était pas le cas. Toujours est-il que si tu fais l'affaire, tu commences par subir un entraînement de malade mental, du genre courir 20 bornes avec 5 kilos de pierre dans ton sac à dos. Et puis, après quelques mois d'une rude formation, donc, les services secrets vont enfin te confier ta première mission. En général, pas grand-chose, juste un peu de renseignements. Allô, Ida ? Salut Antoine. Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Alors, monsieur Tabar est surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai fait la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable. Donnez-moi son signalement. C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel. Sa taille ? Ah là, la taille est lancée. Non, je vous demande combien elle mesure. Oh, 1m66, sans talons. Du visage ? C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur. Tiens, Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit. Bien sûr, la sensiblerie n'est pas à l'ordre du jour quand tu deviens agent secret. Il faut déjouer les tentations, être autonome, prendre les bonnes décisions rapidement et savoir endurer les situations les plus difficiles. C'est ainsi que les meilleurs d'entre eux abandonnent très vite les simples filatures et se voient confier des missions d'une toute autre envergure. Aéroport, opération Condor, pour changer de décor avec un faux passeport, encore business class, costume classe, sur place, directive de l'État et des contrats. Je suis en mission pour mon gouvernement, force de subversion, 11e commandement. Eh oui, quand tu deviens un espion d'élite, ta vie ne ressemble plus à aucune autre. Quand, par exemple, certains vont tout simplement chercher leur môme à l'école, eh bien toi, au même moment, tu es en mission en Nouvelle-Zélande pour faire couler le Rainbow Warrior. C'est dingue, non? Et parfois, au bout du monde donc, quand une question devient réellement critique, une situation devient réellement critique, en tant qu'agent secret, tu dois savoir te démerder avec ce que tu as sous la main, quoi. MacGyver? On dirait que l'explosion a sérieusement endommagé les fondations. L'acide s'écoule par cette fissure. Je vois pas comment on pourrait arrêter ça. Il faudrait pouvoir colmater cette fissure. Avec quoi? L'acide sulfurique qui coule là, c'est pas du petit lait? Avec ça. Des tablettes de chocolat? Pour vous, c'est un mélange de lait et de chocolat. Pour une molécule d'acide, c'est du lactose et du saccharose. C12H22O11. C'est une formule très connue. L'acide va réagir avec le sucre, ça va donner du carbone et une espèce de résine. C'est cette résine qui va faire office de mastic. Enfin, on peut toujours essayer. C'était vraiment n'importe quoi, ce MacGyver-là. Espion de pacotille, hein, et vas-y que je te fabrique une bombe avec un chewing-gum. Et surtout, chacune de ces missions impossibles était couronnée de succès. Non mais oh, alors qu'en réalité, on le sait bien, la vie d'un agent secret est également truffée d'échecs. Je t'ai cherché dans les rues, dans les cafés. Même tes amis n'ont pas su me renseigner. Tes voisins t'ont vu partir avec deux hommes qui t'ont poussé sans rien dire dans une Ford Falcon. Bien souvent, l'échec d'une mission pour un agent secret s'explique par les conséquences d'un jeu de contre-espionnage. Par ailleurs, certains espions, pour des raisons vénales ou politiques, finissent par trahir leur cause et deviennent alors agents doubles, réussissant par exemple à faire capoter une opération au profit du plus offrant. Cela dit, il arrive que les taupes soient démasquées et qu'on fasse le ménage dans ses propres rangs, comme ce fut le cas en France durant le printemps 1977. Les espions sont des gens bien tranquilles. Vous verrez des photos des hommes que la DST vient d'arrêter et qui passaient discrets à l'Est, je vous en ai parlé hier, depuis 14 ans. Eh bien, ils ont de bonnes têtes de voisins de palier, le contraire de James Bond. 4 sont en prison, le 5e, Raymond Dissard, a été laissé en liberté. Il est vrai que son rôle est mineur, il servait de boîte aux lettres au réseau. C'est ainsi que des dizaines de secrets militaires ont franchi le rideau de fer. Entre les deux, mon cœur balancé. Entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Eh oui, c'est bien le problème d'un agent double, entre les deux, son cœur balance. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur la vie d'un espion, comment ne pas aborder ici le stéréotype du mec viril et séducteur toujours tiré à quatre épingles? Eh bien, le mieux, je crois, c'est d'écouter Alex Métayer nous raconter l'intimité sexuelle de l'espion et tu vas voir, hors caméra, le mythe de James Bond s'effondre. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Tu veux pas que j'allume la petite lampe? Je voudrais te voir. Je t'en prie. Tu sais, je veux rien forcer, je veux rien brusquer. Chut. Oui, t'as raison. Je veux qu'une chose, je veux que tu te sentes bien. Je sais, merci. Non, ne dis pas merci. Non, ne m'embrasse pas sur la bouche. Pourquoi? C'est une marque de possession, je ne peux plus supporter. Je veux que tu te sentes libre. Merci. Non, dis pas merci. Je voudrais. Quoi? Je voudrais passer dessus. T'es pas bien là? Ah, si, mais je suis sûre que si j'étais à la place de l'homme, je me débloquerais. Ça, tu comprends? Certainement, j'aurais dû y penser, c'est vrai. Ça ne te dérange pas? Oh, non, passe. Merci. Dis pas merci. Non, ne fais pas ça. Quoi? Mais ça, ce rugissement. Écoute, je ne peux pas admettre que, même inconsciemment, tu cherches à me dominer. Ah non, il n'est pas question que je te domine. C'est toi. Ah, merci. Non, dis pas merci. Ah, je suis désolé. Ce qui t'arrive, ça arrive à tout le monde. Faut pas que tu complexes. Ah, t'es gentil, merci. Ah non, t'es gentil. Dis. Quoi? Bah, la pilule, tu l'as prise? Non. Bah, va vite la prendre. Il y en a dans mon sac, dans la salle de bain. Ah, la salope! Tu vas laver ton cul, malpropre! Clocks, une magnifique adaptation de Coldplay avec le Buena Vista Social Club sur un album intitulé Rhythms del Mundo, un album pour lutter contre le réchauffement de la planète. Parce qu'au moins, l'un des agents du réchauffement, il n'est pas secret, c'est l'homme à qui le monde ne suffit plus. Alors, pour prolonger notre opération tonnerre dans l'univers des espions, la panique au Mangin Palace va te révéler maintenant. À 11h32, une histoire incroyable qui s'est déroulée lundi dernier au palais de l'Élysée. Tout a commencé l'après-midi même dans le bureau du Premier ministre à Matignon. Dominique de Villepin recevait Nicolas Sarkozy. Et la conversation s'est très vite portée sur la question centrale en ce moment à l'UMP. Président Chirac se présentera-t-il, oui ou non, bordel, en 2007? Dominique essaie alors de faire croire à Sarkozy qu'il en sait plus que lui sur les ambitions réelles du président. Mais Nicolas sait très bien qu'il n'en est rien. Surpris, Dominique lui demande des explications. Je vous écoute. Nous avons fait installer l'an dernier, vous et moi, une double ligne téléphonique qui nous permet de nous espionner mutuellement. Mais j'ai cassé tous vos micros. Mais bien sûr, et moi les vôtres. Mais vous avez oublié le porte-manteau? Quel porte-manteau? Tringlard, sortez, mon vieux. Oui, chef. Au nom d'un chien, mon porte-manteau Henri II. Eh oui, mon cher, c'était un de mes inspecteurs déguisés en porte-manteau. Bien joué. Tringlard, vous pouvez disposer. Ah, tant mieux, chef. Vous devez avoir des crampes. Vous parlez, le style Henri II, c'est le plus fatigant. Oh, j'ai les jambes torsadées. Allez, vite. Et n'oubliez pas qu'à 22h, vous êtes banquette Louis XV à l'Élysée. J'y serai, chef. Et en effet, c'est le soir même à l'Élysée que tout doit se jouer lors du dîner organisé pour la visite d'État de Norodom Sihamoni, roi du Cambodge. Car, chose incroyable, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin ont décidé de s'allier pour espionner président Chirac afin de savoir réellement s'il compte se présenter en 2007. Ainsi, à 20h précises. Nicolas et Dominique sont rue Saint-Honoré devant l'Elysée et ils testent leur matériel d'espionnage. Tu m'entends ? Il faut pas parler en même temps que moi, sinon si on parle tous les deux, c'est pas un téléphone le truc. Mais je t'entends pas, moi. Ben si, tu m'entends puisque tu me réponds. Ben maintenant oui, mais là je suis en stand-by. Là. Bon, alors quand t'es en stand-by et que j'appuie, est-ce qu'il y a le sifflement ? Réponse. Oui. Tu vas appuyer sur le machin pour que ça fasse un sifflement chez moi pour voir si ça marche. Réponse. Qui est bête. Mais appuie pas 3 heures, tu m'entends ? C'est bien la peine d'avoir des talkie-walkie. Quoi ? Regarde. Ça sert à rien si je dois venir. Pourquoi ? Mais parce que... Je suis en stand-by, là. Mais oui, mais il y a un truc de son à régler. Alors, chez moi, ça sonne sans arrêt. C'est agréable. C'est les parasites. Mais non, ça n'est pas... C'est comme quand on appuie. Nicolas et Dominique rangent alors discrètement leur talkie-walkie dans la poche de leur smoking et passent la porte d'honneur de l'Elysée où leur hôte les accueille. Président Chirac embrasse ostensiblement Dominique et salue son élégance, tandis qu'en serrant la main de Nicolas, Président Chirac lui murmure à l'oreille que... J'ai toujours peur que tu me caches un petit peu trop la vérité. C'est pourquoi sans que tu le saches... Je passe ma vie à tes pieds, pour savoir ce que tu fais, je surveille sans arrêt, tes pieds, je longe les murs derrière toi, pour te suivre, suis le roi, tes pieds. Nicolas se dit que la surveillance va être sévère, va falloir être malin pour trouver ce qu'il veut savoir. Mais ce qui ne sait pas l'espion Sarkozy, c'est que Dominique, lui, a décidé de le doubler en envoyant un agent très spécial, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Dominique a demandé à Mam de se présenter à l'Elysée, déguisée en princesse cambodgienne. C'est là que l'huissier lui remet ses instructions. Vous devez avoir une enveloppe à mon nom. À quel nom, madame ? Giroflée. Ah. Tenez, madame. Merci. À 22h30 pile, vous montez dans la chambre, vous êtes une call girl envoyée par Madame Dominique. Vous allez rencontrer un homme. Soyez sexy. Vous ferez ce qu'il vous demande de faire. Mais votre mission impérative est de coller le micro 6 juin sous une table. Michèle Alliot-Marie, déguisée en princesse cambodgienne donc, monte discrètement vers la chambre de Président Chirac. Mam ouvre doucement la porte. Mais là... Elle tombe nez à nez avec Bernadette. Elle a beau essayer de jouer à la princesse giroflée, rien n'y fait devant Bernadette qui n'est pas dupe. Je vous ai reconnue, madame, à vos jolies fossettes. Je vous ai reconnue, à votre petit nez en trompette. Vous êtes revenue, je vous ai reconnue. Bernadette a donc reconnu Michèle Alliot-Marie qui tentait de placer un micro dans la chambre du président. Bernadette, Mossad, appelle immédiatement son mari qui arrive aussitôt accompagné de Dominique de Villepin. Président Chirac exige alors sur le champ des explications de son premier ministre et de sa ministre de la Défense. Dominique et Mam tombent à genoux et implorent le pardon de leur chef. Ils avaient juste besoin de savoir s'ils se présenteraient en 2007 parce que... Face à cette déclaration, Président Chirac pardonne leur curiosité à Mam et à Dominique. Tout le monde redescend donc dans la grande salle de réception où le roi du Cambodge, qu'on avait laissé seul au passage, se livre à quelques entrechats. Car il faut le savoir, Norodom Sihamoni fut professeur de danse classique à Paris de 1988 à 2000. Si, si, ça ne s'invente pas. Tout le monde se remet alors à table, mais deux places restent libres, celle de Nicolas et de Michèle Alliot-Marie, justement. Dominique, inquiet, part à la recherche de sa ministre de la Défense qu'il trouve vautré sur une banquette Louis XV dans un petit salon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne vous souvenez plus ? On a discuté et bu un verre. Vous vous souvenez maintenant? Je me souviens de ça, mais après... Eh bien après, vous vous êtes endormi. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être que le whisky t'a drogué. Mais pourquoi Nicolas aurait fait ça? Nicolas? Qui vous a parlé de Nicolas? Qui d'autre aurait pu faire cette farce-là? Oui, c'est une façon de parler. Moi, j'appellerais ça une très mauvaise plaisanterie. En effet, Nicolas en a fait de belles pendant l'absence de Dominique et de Président Chirac. Il a exécuté son plan destiné à connaître les intentions profondes de Président Chirac. Nicolas a volé le journal intime de Bernadette qu'elle avait planqué dans un endroit inviolable. Je le tiens, j'ai réussi, je procède à l'autopsie de cet animal fidèle qu'il a sué comme un petit chien. Coffre-fort confident, partial et unique témoin. Quelle loge au creux de ses reins, mais quel appel comme si de rien, son sac à main. Mais Nicolas s'apprête à peine à l'ouvrir que surgit Bernadette. Nicolas est complètement tétanisé, pris la main dans le sac. L'espion amateur rend donc l'objet à la première dame de France, mais il ne peut s'empêcher de lui demander la manière de connaître les intentions de Président Chirac pour 2007. Bernadette lui répond qu'il ne sert à rien d'utiliser des micros dissimulés ou des gadgets à la James Bond. Le mieux pour percer à jour les secrets d'État, c'est de suivre sa technique à elle. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses comme tout, par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait tout de façon très sûre, c'est par le trou. C'est par le trou qu'on connaît tout. Et Bernadette, sadique, dit à Nicolas que regarder par le trou d'une serrure, ça ne doit pas être très compliqué pour lui. La mission est donc un échec total. Tout le monde retourne alors dans la grande salle pour poursuivre la réception en l'honneur de Norodom Sihamoni, le roi du Cambodge. Mais dans la salle, il n'y a plus personne. Le roi chorégraphe est sorti dans les jardins de l'Élysée où, pieds nus sous la lune, sans foi, ni toi, ni fortune, il suit le démon de la danse. Pour la France. C'est ce que chantait en 1986 le génial Étienne Dao sur son album intitulé Pop Satori. Parce que lorsque tu deviens espion pour la DST ou la DGSE, qu'est-ce que tu risques? Eh bien, de tomber pour la France. Voilà. Alors, pour prolonger notre aventure placée sur écoute, il est grand temps désormais, à 11h44, de retrouver nos deux barbouzes, les double zéros que sont Monique et Jean-Claude. Tout d'abord, Il faut savoir que mercredi soir, Jean-Claude est allé au cinéma avec son fils Rémi pour voir le nouveau James Bond. Jean-Claude a trouvé ce film formidable. Et depuis, il s'imagine volontiers dans la peau d'un agent secret très élégant, mais surtout très séducteur. C'est ainsi que jeudi soir, vers 19h30, lors d'un verre de l'amitié au bureau, à l'occasion d'un départ en retraite, Jean-Claude s'approche du bar. Immédiatement, il aperçoit une magnifique créature qui patiente pour une collation. Sans hésiter, Jean-Claude, tel James Bond, sort le grand jeu. Une suze. Vous ne prenez rien? Guignolet, du bonnet, sans anneau, brandy peut-être? Je ne bois pas d'alcool, merci. Ah, quelle drôle d'idée. C'est proscrit par ma religion. Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles d'un tel plaisir? La religion musulmane. Ah, j'ignorais. Autant pour moi. Jean-Claude se rend compte très vite qu'il vient de balancer une chaîne connerie. Mais bon, il se dit qu'un espion n'est jamais ridicule, tant pis pour elle. Cela dit, après deux ou trois suzes, Jean-Claude décide de rentrer chez lui où Monique l'attend pour le dîner. Elle connaît très bien son Jean-Claude, Monique, et elle sait pertinemment que ce film d'espionnage qu'il a vu hier soir n'est pas sans effet sur lui. D'ailleurs, avant de se coucher, Monique tente d'en savoir plus. T'as passé une bonne journée? La routine. Et toi? Oh, rien de spécial non plus. Si c'est pas ça le bonheur, ça doit y ressembler. Sûrement. Des fois, t'as pas envie de... Je sais pas, de changement. De recommencer une nouvelle vie. Pourquoi faire? Pour casser les habitudes, comme ça. On croit toujours qu'ailleurs, c'est mieux. Si c'est moins bien, on revient. Monique n'est pas satisfaite par cette réponse fadasse du Jean-Claude. Elle est inquiète. Ce soir, il est rentré tard à la maison. Il sentait l'alcool, certes, mais aussi le parfum d'une autre femme. Elle n'est pas dupe. Monique ne veut pas en rester là. Elle questionne l'avantage Jean-Claude, qui s'énerve, et Monique finit par craquer. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes sur le cimetière des éléphants. J'ai des doutes en ce qui concerne les insectes. J'ai des doutes qu'ils soient tous en mission secrète. Jean-Claude se dit que décidément, Monique est très fatiguée en ce moment. Il la rassure un peu et lui dit qu'il faut dormir maintenant. Au petit déjeuner, Jean-Claude rappelle à Monique que ce soir, il est invité à dîner par de gros clients égyptiens de sa boîte et qu'il rentrera tard. Monique n'en croit pas un mot, bien sûr, et décide de tenter un truc qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent, espionner Jean-Claude, qui, lui, débute sa journée en passant au garage pour récupérer sa bagnole qui sort d'une révision. Seulement voilà. Sa voiture n'est pas du tout prête, furax, il ne pourra la récupérer que lundi. C'est alors que Monique, en planque, derrière un abribus, à proximité du garage, surprend une étrange conversation à propos des Égyptiens, justement, entre une jeune femme qu'elle ne connaît pas et son Jean-Claude. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Oui, si vous voulez. Enfin, ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Non, parce que ça ressemble à carotte, carotte. C'est le légume. Parce que vous avez dit gratin. Gratin de pommes de terre. Gratin de pommes de terre, c'est une astuce. Je passerai vous prendre à 19h. Oui, très bien. Ah, tout à l'heure. Monique se dit en effet que Jean-Claude va donc bel et bien dîner ce soir avec des Égyptiens. Mais il ne lui avait pas dit qu'il y allait accompagné par cette jeune femme. Monique est folle furieuse. C'est ainsi qu'à 19h, planquée derrière une cabine téléphonique, elle patiente discrètement devant le bureau du Jean-Claude. Quand tout à coup, l'Aston Martin de cette jeune femme arrive enfin. Jean-Claude s'y engouffre et Monique, elle, saute illico dans un taxi. Après une petite demi-heure de filature, le taxi de Monique arrive devant une très belle villa où visiblement on donne une somptueuse réception. Coûte que coûte, sans carton d'invitation, Monique tente tout de même d'y pénétrer en passant par les cuisines qui se trouvent derrière la maison. Monique s'est donc introduite dans la villa. Elle a enfilé un costume du personnel de maison. Incognito, elle pénètre dans les salons. Il y a là beaucoup de monde, une centaine d'invités qui déambulent avec une coupe de champagne à la main, parmi lesquels beaucoup d'Égyptiens certes, mais aussi des Européens. Monique traque Jean-Claude, qu'elle ne trouve pas. Quand tout à coup, elle entend une conversation bizarre, là, juste derrière elle. Mais oui, bon sang, c'est bien la voix de Jean-Claude qui se présente à quelqu'un. Puis-je vous demander votre nom ? Bond. James Bond. James Bond. James Bond ? Oui, James Bond. Oui, James Bond. Je vous demande pardon. Auriez-vous la gentillesse de signer mon carnet d'autographe ? Non, mais volontiers. Ce n'est pas pour moi, Monsieur Bond, c'est pour ma cousine Germaine. Monique n'en croit pas ses oreilles. Avec son costard en alpaga et sa greluche là, voilà que Jean-Claude se prend pour James Bond maintenant. Il est complètement ridicule. Monique décide alors de les suivre discrètement. Après quelques vodka martini, Jean-Claude et sa créature s'isolent dans un salon à l'écart. Monique, qui les espionne par le trou de la serrure, est au bord du collapse. Pourquoi ne descendez-vous pas près de moi ? C'est très aimable à vous. Un charmant petit coin que vous avez là. J'aime être installée très confortablement dans n'importe quelle circonstance. Ah oui, c'est assez logique. Quand le muscle est tout à fait détendu, on peut obtenir un synchronisme parfait de l'esprit et du corps. J'ai la sensation que vous êtes hallucinant de synchronisme. Monique est à bout de nerfs. Elle surgit dans la pièce, hurle et se démasque devant Jean-Claude. Effrayée, il lui demande ce qu'elle fait là, ce à quoi Monique lui répond que... Malgré moi, les hasards de la vie m'ont joué un nouveau tour. Je suis agent secret pour devenir une espionne accomplie. J'ai subi nuit et jour un entraînement complet. Ainsi, un coup de karaté vous permet d'éviter une trop longue discussion. Et pour vous tirer d'embarras, la double clé au bras est la meilleure solution. La créature explique immédiatement à Monique qu'il y a méprise. Elle a rencontré Jean-Claude lundi dernier dans l'agence de voyage pour laquelle elle travaille et qui se trouve juste à côté du garagiste. Jean-Claude souhaitait donc offrir à Monique pour Noël une croisière de rêve sur le Nil. Et en effet, c'est elle, la créature, qui a proposé à Jean-Claude de l'inviter à cette soirée égyptienne pour négocier des tarifs avec un de ses amis du Caire présent ce soir. Jean-Claude, lui, est effondré par ce manque de confiance de Monique et, face à cette mesquinerie d'espionnage, il lui demande, mais dis-moi. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit. Sans cesse. Monique est abasourdie et confuse. Mais tout de même, il y avait de quoi se poser des questions, merde, dit-elle à Jean-Claude. Fin de l'histoire. Tout cela étant dit, en rentrant chez eux, Jean-Claude ne fut pas mécontent de cette petite jalousie qu'il avait provoquée chez Monique. Quant à Monique, elle fut très soulagée, mais surtout, elle avait appris ce soir que pour être un agent secret, un conseil, soyez discret. Pour être un agent secret, un conseil, soyez discret. Ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Mieux à voix du nez, voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Pour être un agent secret, les filles, faut se méfier, 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Le meilleur agent agent secret. Je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien, 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est devenu vedette dans les films qui font recette. C'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort. L'agent secret, c'est ce qu'est Petula Clark en 1972 sur un album intitulé En Vogue. Parce que en 1972, l'agent secret 007 était en effet en vogue, puisque nous en étions déjà à l'époque, à une dizaine de films consacrés au héros légendaire de Ian Fleming. Alors, nous voici donc arrivés au terme de cette émission consacrée aux espions, de Mata Hari fusillé à Bernadette espionnée, de Jean-Claude en James Bond à Alio Marie en princesse cambodgienne, et de l'Aston Martin volante de l'agent 007 au Tokiwoki foireux de Nicolas Sarkozy, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif, bien sûr, de ce que peut être un agent secret. Alors, c'est quoi l'espionnage en France aujourd'hui ? Eh bien, c'est principalement deux organismes officiels. D'une part, tu as la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, qui dépend du ministère de l'Intérieur, un service très discret, pas comme son patron. Et d'autre part, tu as la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui dépend, elle, du ministère de la Défense, des militaires qui filent droit, là, plus en accord avec la patronne. En tout cas, quelques milliers de fonctionnaires très spéciaux, tous dévoués à notre sécurité. On n'est pas des flics ordinaires, on ne colle pas des contraventions, on ne fait pas la chasse aux gangsters, on ne cartéchise pas les blousons. La police, on est les perles, vous, à côté de nous, même Scotland Yard. À l'air de la ramassite, car la PJ fait franchement tartouze. Gare au bas, gare au bas, au bas rouge. On est des gourmands de la bagarre, la manchette en niquette. Faut dire qu'on marche au steak tartare et qu'on ne carbure pas au vitel. Pour la gauche, j'ai une préférence. Je m'en sers dans les grandes occasions. Ouais, ouais, ouais. Dis surtout pas ça au patron. C'est un type qui est plutôt défense. Gare au bas, gare au bas. C'était les frères Jacques, autrement dit les Barbouze Brothers français, la grande classe quoi. Voilà, fin du 54e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de rien avoir oublié. C'était C'est quoi les espions, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri, Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Fabrice Desmas et de Julien Dumont. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, mais aussi à Clarisse Le Gardien, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour toutes ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes podcaster l'émission. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct, elle était un peu chaude, mais je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci.